What's right? I don't know what to do today. What to do today? What's right? I don't know what to do today. So woke up feeling sad. Set in my belly and scrums and bed. Need some biscuits through the night. I don't know what to do today. And I feel quite like myself. I don't think I'd even recognize. Know where to find. I'm overthinking things again. Give yourself a break, son. There's good times on the way. Love my wife and my kids and mum and dad and my brothers, well they're alright. All the friends I've loved along the way, you are the fabric of my life. I don't know what to do today, I don't feel quite like myself. I don't think I'd even recognise, know where to find. I'm overthinking things again. Give yourself a break, son. There's good times on the way. What's the right thing? What's the right thing? What's the right thing to do for you, for me, for all of us? How do you know the right thing? I don't know what's going on, and I know that I never will know what is going on. What the hell is going on? What the hell is going on? I don't know what's going on, and I know that I never will. And I know that I never will. La, la, la. Oh yeah. As you can tell, being quite confused, we'll lay a bit into this song. But for our amusement, self-approved, we don't know what's going on. Have you ever felt suffer out of depth? You don't know how to make things right. Life unfolds, things beyond your control. Tell you love that's gonna get you through these times. So go on, pull the sicky vicky. Let's dance the night away. What's the right thing? What's the right thing? What's the right thing to do? The right thing. Tell me what the right thing is. How do you know the right thing to do for you, for me, for all of us? Do for you, for me, for all of us? Do for you, for me, for all of us? Do for you, for me, for all of us? For you. It's all for you. You. It's all for you. 'Cause I don't know what's going on. What the hell is going on? I don't know what's going on, and I know that I never will know what is going on. What the hell is going on? What the hell is going on? I don't know what's going on, and I know that I never will. And I know that I never will. And I hope that someday. Hello and welcome, bienvenue à bord. Vous écoutez La Croisière Folk, une émission qui a pour but de vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. Et c'est comme un voyage, une croisière. Imaginez une croisière merveilleuse, la meilleure des croisières que vous n'avez jamais réalisées. Eh bien, ça se passe maintenant dans votre radio. Et tout de suite, on a entendu Mooney Opak avec Don't Know. Il faut savoir que Mooney a commencé à jouer de la guitare à l'adolescence, après avoir été contraint de rester chez lui suite à des ennuis avec la justice. Et puis, sachez que cette chanson qu'on vient d'écouter, Don't Know, c'est le premier single de leur nouvel album qui sortira bientôt, qui s'appelle Beginning to End. Et le groupe, le band, j'allais dire, de Mooney s'appelle Opaque. Donc, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, bandopaque.com. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aller voir la vidéo sur notre page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Allez, on va poursuivre avec une chanteuse folk originaire de Copenhague. Et quelle est la petite statue qui se trouve à Copenhague? Oui, c'est la petite sirène. Elle s'appelle Trine-Lise Varing, I'm not a quitter. Et elle est connue pour, pas la petite sirène, mais Trine-Lise, pour sa curiosité insatiable et sa quête incessante de nouveaux horizons musicaux. Son prochain album s'appelle Songwriter's Odyssey et la sortie est prévue pour le 31 janvier 2025 et ce sera son 8e album en tant qu'artiste solo. The Lumineers, juste après, avec AM Radio. C'est un extrait de leur album à Wrigley Fields, qui est un stade de baseball situé à Chicago. Et The Lumineers, eh bien, c'est un groupe de folk rock américain. Et on passera en Espagne après avec Vigella. Et oui, qui est la plage titulaire de leur nouvel album. Le groupe vient de Tolède et c'est leur 10e album. Allez, je vous souhaite un bon voyage. Vous écoutez La Croisière Folk. Je m'appelle Eric Cooper. On a une page Facebook, j'avais oublié de vous le préciser, qui s'appelle La Croisière Folk. Plein de vidéos à voir. Et puis, vous avez envie de nous écrire, lacroisièrefolk@yahoo.com. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Now it won't

Fija la liebre, ayuda. Me patita, ría, pita, mira que el gango viene. Ayuda, me patita, no allí ve. Güey. Decía el gango, ayudar. Me patita, ría, pita, mira que me la cargo. Ayudar, me patita, no allí ve. Güey. Con tres personas. Con tres personas. Con tres personas, una fiesta, trase hace ría, pita, mira con tres personas. Una fiesta, trase hace, malibé, güey. Con tres personas, una can, la otra baila ría, pita, mira la otra toca. Una can, la otra baila, malibé, güey. Se me olvidaban las queas, te jaleo ría, pita, mira y dan las palmas. Las queas, te jaleo, malibé, güey. Ni pa' peinarme, ni pa' peinarme, ni pa' peinarme, si yo no. Tengo tiempo, ría, pita, mira, ni pa' peinarme, si yo no. Tengo tiempo, Maribé, güey. Ni pa' peinarme, ¿cómo quieres? Es que tenga ría, pita, mira, yo pa' aguantarte, ¿cómo quieres? Es que tenga, Maribé, güey. Y estoy tupiado, aguantar. Tanto insuso, ría, pita, mira, de noche y día, de aguantar. Tanto insuso, Maribé, güey. Cogía cole. Cogía cole. Cogía cole y un cojo. Coge ando, ría, pita, mira, cogía cole y un cojo. Coge ando, Maribé, güey. Cogía cole y otro cojo, le decía ría, pita, mira el cojo que coge, y otro cojo, le decía, Maribé, güey. Yo cojo cole, decía, coge ando, ría, pita, mira, yo cojo cole, cojones, coge ando, Maribé, güey. À l'instant, nous écoutions Viguela avec Oui, groupe qui nous vient de Tolède. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'album que nous découvrons aujourd'hui, ce n'est pas un album récent, il date de 2013, c'est l'album Bristol Bay de l'artiste américain folk Si Kahn. Est-ce que vous connaissez la baie de Bristol ? Eh bien, elle est située en Alaska et c'est l'une des pêcheries sauvages les plus riches au monde. Environ 46% de tous les saumons rouges sauvages du monde se trouvent dans la baie de Bristol et se reproduisent dans les sources des nombreuses rivières qui se jettent dans la baie. Plus de 2000 permis de pêche commerciale sont délivrés chaque année dans la région, faisant vivre ainsi des milliers de familles. En 2001, le projet d'une société canadienne d'extraction d'or et de cuivre voulait construire ce qui aurait été la plus grande mine à ciel ouvert du monde, à proximité des sources des rivières où fraient les saumons. Aucune mine à ciel ouvert au monde n'a jamais été exploitée sans causer de graves destructions environnementales qui sont généralement permanentes. Dan Strickland, qui est un pêcheur commercial de la baie de Bristol, a donc invité Si Kahn à venir en Alaska pour écrire une chanson thème pour cette campagne qui visait à arrêter la mine et à protéger la baie de Bristol de manière permanente. Eh bien, il n'a pas seulement écrit une chanson, il a enregistré un album entier qu'on découvre d'ailleurs, dont on découvre trois morceaux. L'album s'appelle Bristol Bay et sachez que pour la bonne nouvelle, donc le projet a été abandonné en 2021 parce qu'il y a pas mal de gens. Vous savez, on croit toujours que quand les citoyens ne sont pas d'accord avec quelque chose, il n'y a rien à faire. Eh bien, ce n'est pas vrai. La preuve avec Bristol Bay, les citoyens se sont levés, il y a des artistes qui se sont associés. Et on va écouter donc cet album Bristol Bay. Et je voudrais aussi encourager tous ceux qui du côté de Bruxelles se battent au parc de Nerpede parce qu'un politicien un peu fou, voudrait transformer des étangs en piscines. Allez, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook Sauvegardons Nerpede et n'hésitez pas à signer leur pétition. Quand les citoyens se lèvent, il y a des choses qui bougent. Si Kahn donc avec Everything is Bigger in Alaska, Seventh Generation et Bristol Bay. C'est les trois morceaux de cet album. Un album donc qui était réalisé pour sauver un endroit naturel. Et ça a marché. Ça leur a pris 10 ans, mais ils y sont quand même arrivés. Et donc c'est cet album que l'on découvre aujourd'hui. Un album de 2013. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Salmon weighed 500 pounds. Took a team of huskies to haul it into town. Had no oven big enough to put it on to bake. Took it to the sawmill, cut it into steaks. Everything is bigger in Alaska. That's what you'll hear everybody say. Everything is bigger in Alaska. It's not always good to be that way. Last month hunting in the woods, thought that I would die. Came across a grizzly bear, stood 6 stories high. By the time he bent over to reach down to the ground, I was safe behind a birch tree, 60 feet around. Everything is bigger in Alaska. That's what you'll hear everybody say. Everything is bigger in Alaska. It's not always good to be that way. The biggest mountains you'd ever want to climb, the biggest hearted people you'd ever hope to find. Got the biggest caribou, got the biggest trout, but the world's biggest gold mine we sure can do without. Everything is bigger in Alaska. That's what you'll hear everybody say. Everything is bigger in Alaska. It's not always good to be that way. And the world's biggest gold mine we sure can do without. Un, deux, trois. When you were born, made your first cry, someone stood by to hold and hear you from your first breath. Door of death, with luck you'll have a good friend near you to take your part, to guard your heart, to love you without reservation. So those who come when you are gone will think of you and carry on to the seventh generation. But for this earth, place of our birth, who will be there to hear it crying? Who'll make the choice? Who'll raise their voice to shout out loud? Our earth is dying to take a stand, to guard the land, to stand up for its preservation. You'll need all your strength, need all your heart, to take your place, to do your part, to the seventh generation. When tempers flare and voices rise, when conversation turns to lies, between the anger and the fear, it isn't easy to see clearly. But no ear will ever hear your whispered voice, so shout out loudly to take a stand. Just raise your hand and make a fist you hold up proudly. It's up to me, it's up to you, to stand our watch for all creation. So 100 years At least they'll say we made a start to the seventh generation. L'album, nous l'avons découvert, l'album Bristol Bay de 2013 de l'artiste Sican avec trois morceaux, Everything is Bigger in Alaska, Seventh Generation et Bristol Bay. Le poème que je vous ai choisi, c'est celui de Maurice Karim, puisque vous le savez, on fête le 125e anniversaire de la naissance de ce poète belge. Et le poème s'intitule « Pourquoi faire ?» Et ça va bien justement avec l'album de la semaine, puisque le poème de Maurice Karim explore la question de la raison d'agir ou de ne pas agir avec une simplicité apparente, mais une profondeur caractéristique de son style. Dans « Pourquoi faire ?», il joue les mots pour interroger la finalité de nos actions, mettant en lumière l'absurdité apparente de certaines d'entre elles, tout en rappelant qu'elles peuvent parfois pourtant avoir un sens. Ce poème s'inscrit dans la tradition de Maurice Karim, qui cherche souvent à éveiller la curiosité et la réflexion au travers des formes poétiques simples et directes. Et si vous voulez voir ce poème, eh bien, il figure dans son recueil « La lanterne magique », publié en 1947. Et puis, juste après Maurice, il y aura J.K.L. avec d'autres saisons, Loni, la fille de Thierry Lhermitte, qui nous chantera dans « La maison des filles », et David Lostana, le nouveau Jésus. David Lostana qui offre tous ses albums gratuits. Vous allez sur son site lostana.com et tous ses albums sont téléchargeables en MP3 320, donc en bonne qualité. Pourquoi faire ? La vérité ? Mais pourquoi faire ? Répétait chaque jour son frère. La liberté ? Mais pourquoi faire ? Demandait encore son frère. La justice, mais pourquoi faire ? Elle est trahie, disait son frère. La révolte, mais pourquoi faire ? On nous tuerait, geignait son frère. Mais lui n'ajoutait jamais rien. Un os peut contenter un chien. Une balade sous la pluie, un regard vers l'infini, comme une envie de voyage. Je sautille dans les flaques et puis j'embarque. Je décide de tourner la page. D'autres horizons, d'autres saisons, d'autres horizons, d'autres saisons. Maintenant je me questionne, je ris, je donne. Est-ce une question de courage? Un désir de liberté, d'air pur, d'air frais, un retour à l'état sauvage. D'autres horizons, d'autres saisons, d'autres horizons. Je me ferai un chemin. Le soleil s'installe, la chaleur s'emballe. J'avance vers demain. D'autres horizons, horizons, d'autres saisons, d'autres horizons, d'autres saisons, d'autres horizons. La musique que j'aime, elle vient de La Croisière Folk. The best music. Sous les toits, les lampes dansent. Dans la maison, un passé recommence. On parle d'amour. On parle d'amour. On parle d'amour. Et quelque chose se dessine dans la forme de l'eau, dans le son du sol, les oiseaux. Derrière le bleu des portes, il y a l'écho des corps. Marianne ici résonne. La mer s'endort. On parle d'amour. On parle d'amour. On parle d'amour. Et quelque chose se dessine dans la forme. Le sol, les oiseaux, dans la maison des filles.

avec son album Flame Keeper. Un artiste de bluegrass que j'aime beaucoup, à Michael Cleveland. C'est un malvoyant. Il a eu plein de problèmes, il y a eu des problèmes aux oreilles. Il a réussi à surmonter tout ça pour nous produire de l'excellente musique. Carly Arrowwood, ensuite Color Moon Dancer. Et puis Phonics avec leur nouvel album. C'est la plage titulaire qu'on écoutera. Donc c'est l'île de la miséricorde. Il est en danois. Je ne sais pas le prononcer, donc je vous le donne en français. Alors sachez que pour ce nouvel album, Phonics a sélectionné un certain nombre de chansons traditionnelles à partir de 400 vieux enregistrements phonographiques provenant des archives folkloriques danoises et a interprété, réécrit et composé de nouvelles mélodies. Dans cet album, il y a de la place aussi pour quelques morceaux instrumentaux nouvellement composés dans l'album. Et juste après, nous aurons aussi 21 boutons. Alors 21 boutons, Trempe ton pain. Et c'est un extrait de 11, leur album de 2018. C'est un duo belge, duo d'accordéon diatonique. Et pourquoi il s'appelle 21 boutons? Eh bien parce que c'est le nombre de boutons d'un accordéon diatonique de base. Comme ça, vous savez tout, c'est encore une chose que vous avez appris dans La Croisière Folk. La Croisière Folk. Good music. Thank you. that silky silver mane. Her longing echoes on the breeze, but it never finds me. She's a kindred spirit, better left untamed. And she sings, La croisière folle. May the force be with you. La croisière folk. To infinity and beyond! Et c'est avec Jenny Mitchell que l'on se quitte, Little Patch of Heaven. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que le voyage vous a plu parce que ça, c'est vraiment très important. Cette croisière folk, c'est pas bêtement de la musique, c'est pas un jukebox, c'est aussi une émission où on a du plaisir pour les oreilles et où on apprend des choses aussi sur des artistes qu'on ne connaît pas et que vous apprenez à connaître peut-être. Je suis sûr que de nombreux d'entre vous, de nombreux auditeurs et auditrices, eh bien, ont peut-être acheté des albums grâce à cette émission. N'hésitez pas à me dire lesquels, ça me fera toujours plaisir. Allez, Jenny Mitchell, Little Patch of Heaven, merci de votre fidélité, que la force soit avec vous et bien sûr avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Ah bah je comprends, moi j'ai essayé de me vendre aussi, j'ai pas fait un rond. Mon Dieu, ne jurez pas, je déteste. Les autorités fédérales présentent... Jacques Brel donne son premier concert depuis des décennies à bord du Titanic. Ouais, ça, je partage, ça. Hep, hep, hep, hep, hep. Attention, mon ami. Tu sais ce que c'est que la désinformation? C'est le fait d'essayer de nous induire en erreur en manipulant l'information pour nous nuire. Faut être vigilant. Je vais t'expliquer. Voici quelques conseils simples. Vérifiez toujours la source d'information. Qui a publié? Est-ce une source fiable? Consultez toujours plusieurs sources pour confirmer l'information. Il est important de lire au-delà des titres et de vérifier la date de publication. Les autorités fédérales surveillent également ces problèmes. Différents services travaillent ensemble pour protéger notre démocratie. Par exemple, en nous informant sur l'utilisation abusive des médias de masse pour nous induire en erreur et nous diviser. Restez critiques et bien informés. Et pour plus d'informations, visitez le site centredecrise.be. Ensemble, nous pouvons lutter contre la désinformation. Une information des autorités fédérales. La croisière folk. Good vibrations. Ooh. If I Back to the 40 shades of green.